bonsoir. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui débute. L'émission Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances à caractère bruitiste. Quoi dire d'autre ? Nous sommes le 6 juin 2014. Mais on a qu'à dire que c'est 2006 pour que ça fasse 666, c'est le jour de Satan. Aujourd'hui, Sainte Mère Satan est avec nous. Merci. Thank you. passer, vous écoutez Canal Sud, donc la radio qui sont... Non, pardon, Nuisance, l'émission qui s'encule, pardon, j'ai pas dit ça non plus. Bienvenue sur Nuisance, Canal Sud. Bon bah c'est une soirée où on va se faire chier, alors préparez-vous, hein. D'abord on va mettre un morceau de merde. Le morceau de merde c'est celui-là, allez je vous le mets, tac. Amusez-vous bien hein. Non non, toutes mes émissions sont de merde, je vous rassure, c'est tout le temps de la merde. Bienvenue, c'est le royaume de la derme. La derme. C'est chez nous, c'est chez vous, c'est tout le temps, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour mourir. Cool, ouais. Yeah, it's fucked up, you know. Nuisance, c'est l'enfer, ça y est, ça commence, c'est Nuisance, Nuisance, c'est l'enfer, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. C'est nuisance et des fois il y a des intervenants, bon ils sont plus ou moins heureux hein. Des fois ces intervenants donc, sont malheureux quoi et ils sont culs aussi des fois aussi oh. Mais ça n'a aucun rapport. Pardon, pour tout. C'est nuisance sur Canal Sud. Aujourd'hui c'est vendredi et comme tous les vendredis à partir d'une certaine heure, c'est nuisance sur Canal Sud. Une ambiance qui vous met en contact avec votre monde intérieur et vous permet à ce moment-là, librement chez vous, de créer, de peindre, d'écrire, de dessiner, de coudre, de tricoter, de faire de la tapisserie, de la broderie, de tout ce que vous voulez. Nuisance sur Canal Sud, ce n'est plus une radio, c'est vous-même que vous écoutez. En direct avec votre monde intérieur, Nuisance sur Canal Sud 92.2, le vendredi à partir d'une certaine heure, plutôt en soirée. Et justement, le vendredi, le premier vendredi de chaque mois, avant que commence la soirée, il y a la fin de l'après-midi avec le vernissage à Canal Sud. Oui, le premier vendredi de chaque mois, à partir de 19h, le vernissage. Et après le vernissage, il y a nuisance. Mais même quand il n'y a pas le vernissage, il y a nuisance. Le vendredi sur Canal Sud, à partir de 21h. En direct, avec votre monde intérieur. Vous écoutez un son venu d'ailleurs. D'ailleurs, il ne vint pas de nulle part, car ce son, au son blafard, au ton incertain qui peuplait d'étranges hasards les nuits que nous passions ensemble en écoutant nuisance. Oui. Ces nuits incertaines où ma main caressait ton ventre si plein de sueur et de transpiration. Ma main qui coulait si près de ton nombril. Ma main qui passait sur ton corps en sueur. Un soir sans sueur. S'essuyer soi-même le soir. Nous voici en direct direct des ondes d'Amérique du Sud, et tandis que Nuisance étend sa toile sur l'ensemble du globe, nous vous parlons ici, Radio Canal Sud. Les hommes libres parlent aux hommes libres et aux prisonniers, et les prisonniers leur parlent aussi. Homme libre ou prisonnier, qui es-tu? Peut-être un peu les deux. Peut-être l'homme libre est-il quelque part dans un monde abstrait. Et dans ce monde contraire qui est concret, on rencontre le prisonnier. Mais le prisonnier voit l'homme libre dans le monde abstrait. Tu m'entends? Tu es sur Nuisance en direct avec ton monde intérieur. Tu n'écoutes pas la radio, c'est ta conscience qui te parle. Oui, je suis toi. Je suis moi. J'ai de la bière. Yeah. As-tu bu la bière hier? Bière hier. As-tu bu la bière hier? Dans la volière. As-tu bu la bière hier? Tu es en direct avec la voix qui te parle à l'intérieur de toi. Et tu t'entends. Tu crois que c'est la radio qui émet cette émission, mais non. Ce que tu entends vient de ta conscience, vient de toi. Tu es sur Nuisance, Canal Sud 92.2, tous les vendredis à partir de 21h, en direct avec toi-même et ton dialogue intérieur. Yeah, wow, come on, rock and roll, yeah, man. Un moment que tu t'accordes de douce révérence, satiné de velours, lourd, épais et chaleureux. Un velours accueillant qui te tend chaque poil de son tissu. Un velours enfin où tu peux te reposer. Yeah. Et tandis que le soleil tend ses rayons entre les volets à peu près fermés de ton salon, tu es là, allongé sur ce canapé de velours dont chaque poil te tend les bras vers un tissu chaud et tu caresses son ventre près de son nombril un peu en sueur. Tu es sur Canal Sud 92.2 méga truc, yes. Tous les vendredis à partir de 21h, c'est Nuisance, yeah, en direct. Et le premier vendredi de chaque mois, c'est le vernissage à Canal Sud. Et le vendredi 13 à Canal Sud, dans la grande salle, il y a un ciné-club où nous t'invitons. Ouais, nous t'invitons vendredi 13 au ciné-club de Canal Sud 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, près du Jardin des Plantes. Le métro, je crois que c'est Palais de Justice, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, ce n'est pas loin de là. Tu peux aller, c'est en direct avec la Côte d'Azur. Vendredi 13, dans la grande salle de Canal Sud, le Ciné-Club. C'est le vendredi 6 juin 2014 aujourd'hui, le vendredi 6 Nuisance. Du 6e mois. Satan, où es-tu? Je t'attends, viens me posséder, Satan. Oh, Satan, prends-moi, Satan. Le jour du 6, oh, l'éternité pour toujours, je veux dire, ouais, l'éternité avec Satan. Blue Danube, man. Blue Danube. Blue Danube. It's all over everywhere. It's all over everywhere. Now, where are we going? Where are we going to be next time? Home. Your home. I'd rather be the two. I'd rather be the three. The four times. C'est nul à chier cette zik, c'est vraiment de la merde quoi. Oh putain, c'est encore nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission et toutes les nuisances. Sur Canal Sud, la super rock. Canal Sud. Le bon sens, l'intérêt de la patrie, commande à tous les Français libres, continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire. Il est nécessaire de s'oublier des fois. On va écouter du banjo à présent. Du banjo, donc sérénade du machin Mac Paul. We'll be right back. le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi. Soumission à l'ennemi, vite. Soumettez-vous, vite. Il faut se sauver. La peau. Le destin du monde est entre vos mains. Vite, suicidez-vous. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? Méditez sur l'intérieur de vous-même. Suicidez-vous vite. Yeah. like to say one last time, you are welcome on this flight. Vous êtes bienvenue sur ce vol 375 AB 224 AC 250 B7W 3Z 450, direction Toulouse, France, en provenance de Toulouse, France. Je répète, le vol B72527 WA7 CZ KB21 12 A 3900, Charlie Coco Tango Charlie Bebop Zulu Z Z comme Zulu, G comme Gypsy, A comme Alien. Bienvenue à des chiffres et des lettres. C'est pour s'exprimer, alors des fois il y a des gens qui s'expriment et des fois il y a des gens qui s'expriment pas. Et des fois il se trouve des foules de gens qui ne laissent pas s'exprimer les gens malsains comme moi. Et il y a une radio Canal Sud pour pouvoir s'exprimer malsainement, parce que la liberté, c'est avant tout de pouvoir s'exprimer. Et s'exprimer, c'est donner à tout le monde sur Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net. Mais s'exprimer, il faut d'abord mettre le casque. Mettre le casque. Il faut mettre le casque. Mettre le casque, mettre le casque. Il faut mettre le casque, mettre le casque, mettre le casque. Il faut mettre le casque. Et là, de ce côté-là, je suis plus réceptif que créatif. Comme si c'est rue, c'est qu'on nous entend. Ouais, ouais. C'est qu'on nous entend. Enchaîne ton rap, ton peu rap. Vas-y. Vas-y, enchaîne, mec. Si vous nous entendez, c'est que vous écoutez la radio, c'est que vous écoutez Canal Sud. Vas-y, ouais. Ouais, vas-y, ouais, ouais, écoute la beat. Écoute la beat. Ouais. Ouais, c'est trop cool ici. C'est la première fois que je viens et je vais rester pour l'éternité. Ça bande ici. C'est trop de la bande ici. Ça bande grave. Ça bande grave. Ça me fait peur un peu. Ça surbonde. Il y a plein de phéromones. Ça surbande. Testostérone. Oestrogène. Space cake. Ah, vive la France libre! Ah, hi, hi, hi. Ah, vive la France libre! Liberté pour la France! Hi Toulouse! Hi Toulouse! Ah, yeah. Vive la France! Ah, yeah, mein Gott! Mein Gott, vive la France! Mais les gens, ils disent pas assez que les fachos sont des gens sympas. Ah, une grosse bite, vive la France! Une grosse bite, jeune! Vive la France libre! Libre! Libre comme l'air! Libre comme une glaire! Ouais, vas-y, enchaîne. Alors, nous sommes une radio libre en France, je sais, c'est étrange. Et vive, vive la France libre. Hi. Nous pouvons dire ce que nous voulons et nous disons absolument rien. C'est assez effarant, quoi, à quel point on en est. Le mec regarde son portable, qui marmonne dans son coin, la meuf, elle en peut plus. Les autres fumés, ils se branlent discrètement, sans qu'on les voit, sous la table. Ils sont vraiment chiés dans la vie, c'est pas possible. Ils ont rien trouvé à dire d'autre, quoi. Pour une fois qu'on s'en compris à Toulouse, aïe, oh, j'ai plus rien à dire. Zig Toulouse, vive la Toulouse libre. Vive l'UNPP. Je rigole, non, ça c'est une blague, ça. Ah, mon art est vraiment débile, j'ai un art débile. On peut rien dire ici, c'est chiant en fait, cette radio elle est pas libre du tout. Non c'est vrai, on peut rien dire, on a rien le droit de dire, on peut pas parler de sujets intéressants parce qu'on est trop cons. En fait la liberté c'est pas pour nous, c'est pour les nuls. Les nuls ils sont en liberté, ils sont partout. Et donc moi je veux être un nul aussi, je veux être en liberté, je veux être partout, je veux être une merde. Et je suis une merde, donc je suis un nul, donc c'est super, je suis en liberté. Et vive la merde! Attention à la liberté, ils vont vouloir te vacciner. La merde, la liberté. Ah ouais, c'est un pléonasme. Non, je préfère la liberté à la merde. Excuse-moi. Je préfère le syllogisme. Ah ouais, d'accord, syllogisme, ok, d'accord. Et moi, je dis des merdes depuis tout à l'heure, et du caca et tout ça, pipi. Et ça passe pour, je passe pour un con, quoi. Merci, hein, mes invités, super. Je m'en souviendrai de celle-là. Syllogisme. Je crois qu'il y a un danseur qui se jette contre la porte. Interlude. J'ai entendu un boom. C'est un valseur et il est sorti de la salle. Et... Un danger public. C'est Bernard. Danger public. Il avait oublié un truc. Un danger public. Attention, vous êtes en... Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir. Attention au Bernard. Trop tard. regardez le bonnet dans le nez. Oh, les esquimaux. Esquimaux fruits rouges. Citron. Non, c'est pas vrai. Pas maintenant. Il est presque 22h à la pendule du Canal Sud. Et c'est l'enfer sur Terre. Juste en dessous de la Grande Ourse. On se fait chier. Tiens. On est au lilas et on s'emmerde. Ça se tasse. C'est une émission gothique. Oui. Nous aimons le diable et nous aimons la haine. Et sucer des esquimaux, fruits rouges. Les vampires. Les traînées de sang. Elle suçait des esquimaux aux fruits rouges. Ouh, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, mais qui n'ose pas. Elle suçait des esquimaux. Parce qu'il est juste aux fruits rouges. Mais c'est qu'elle dit n'importe quoi, il m'a pas mis le micro. Ouais, c'est clair. Mais si, t'as le micro. Non, j'ai pas de micro. Esquimaux. Non, je l'ai pas mis. Aux fruits rouges. Les fruits rouges et les cadavres. Oui, les vampires. Elle suçait des esquimaux. Saloperie. Aux fruits rouges. Omar macramé. Elle suçait des esquimaux. Les tableaux de aux fruits rouges. C'est elle suçait des esquimaux. Arrêtez, c'est horrible. Aux fruits rouges. Rouge. Elle suçait des glacier, esquimaux. En fait, c'est les camions de Dondu. C'est le sorbet de Cassis. Rouge. Rouge comme la merde. Ah, ça dépend si t'as des hémorroïdes. Oui. Un druide. J'ai un druide. Est-ce que le druide a des hémorroïdes? Oh, là, ça craint. Hémorroïdes de druide. Rouge comme le sang. La question est posée. Et pour découvrir la réponse, nous allons prendre la caméra à explorer le temps. Du druide rouge. Oui, pour découvrir les hémorroïdes du druide rouge. Les hémorroïdes du druide rouge. Conte initiatique des héros de la table ronde. Les hémorroïdes du druide rouge. Ah, hémorroïdes rouges. Pendant entre Panda Cruel et Perceval. Ouais. Les hémorroïdes du druide rouge, ou les hémorroïdes rouges du druide qui bouge. Le pire. Pour se gratter les hémorroïdes. Le pire sont les hémorroïdes. Oui, bleu. Oui, mais alors se les gratter, bleu. Ça fait tellement de bien. Oui. Bleu. Ça soulage. Oui. Calme-roïdes, calme les hémorroïdes. Bleu. Ciao. Bleu. Les hémorroïdes bleus. Bleu. Les hémorroïdes bleus. Bleu. Alors, quand soudain, cet hémorroïde bleu surgit. Du bar, une hémorroïde bleue surgit. Et elle fait mal. C'est la pire. C'est l'hémorroïde du colon. Coyote, s'encule soi-même. Hémorroïde. Vilaine, créative. Oh, si perfide hémorroïde. Bleu. Bleu. Ce sont les pires. Et les meilleurs à se gratter. Ça gratte pas. Oui, ça gratte pas, oui. Ah, peut-être les bleus. Peut-être les bleus, ah, voilà, voilà. Si voilà. Ce sont les pires, les perfides. Allez, ah, oui, oui. Si gonflé, gratte. Ouais, ouais, plus encore. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et sur la branche, le singe se gratte les hémorroïdes. Bleu. Bleu. Bleu. Et ces hémorroïdes bleus sur cette branche, c'est toute l'histoire de l'art contemporain. C'est les hémorroïdes bleus. Très bien, très bien. hémorroïdes rouges serait simplement normal. Oui. Alors qu'un hémorroïde bleu déjà peut instantanément devenir une œuvre. Complètement, complètement. Oui, voilà, violacé, voilà, ouais. Oui, c'est l'œuvre qui puise dans le naturel culturel pour faire émerger le culturel naturel. Et l'institution à la con aussi. L'institution à la con. D'ailleurs, il faut rappeler à propos des hémorroïdes bleues, que le sang bleu, le sang bleu, c'était le sang de la noblesse. On peut se demander si les hémorroïdes bleues ne sont pas les hémorroïdes de la noblesse. Il est possible que les hémorroïdes bleues soient les hémorroïdes de la noblesse, comme le sang bleu était le sang de la noblesse. Donc les hémorroïdes bleues, voilà, c'est pas pour tout le monde. Là, nous avons eu le conservateur du musée très connu du lieu de l'Europe, du pays de Rapapapa. Oui, et même au-delà, oui. Taisez-vous, c'est mon émission. Et là, nous avons le dictateur qui revient. Quoi, cette émission de merde. Vers l'infini et au-delà. Nous avons dit, right, no problem. Nous avons la discussion. On nique. Qu'est-ce qu'il faut foutre ? Non, ne me niquez pas. Il veut pas se faire niquer. D'où l'expression manichéen. Nous connaissons sa vie très personnelle. Il aime bien ça. Ouais, j'ai paniqué, mais bon, j'aurais bien aimé. On passe au sujet suivant maintenant. Le sujet suivant, c'est niquer. D'accord. Voilà. Bon, on va parler de niquer maintenant. Si on niquait un cheval, ce serait cool. L'embêtant. Nous avons un tierce personnage qui participe à l'émission et qui n'est pas divulgué. Il parle très loin du micro. Mais c'est un Belge? Oui, je mélange. Oui, je mets ça comme ça. J'ai une maman belge et un papa allemand. Il a éteint mon micro, sinon on va tous se retrouver en prison. Bon, voilà. Mais il a des choses intéressantes. Non, il n'est pas éteint le micro, donc on va tous se retrouver en prison, ok? Bon. C'est pénible. Le premier sujet était les hémorroïdes. Voilà. J'espère que vous êtes rassurés. Nous en avons un second. C'était la France libre. L'expression. Le deuxième sujet. Oui, vous êtes en direct de partout. Premier sujet, hémorroïdes bleues. Deuxième sujet, hémorroïdes rouges. Ouais, il manque les hémorroïdes blanches alors. Bleu, blanc, rouge. Je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge. Oui, écoutez, le Français. Ce sont les plus mâles. Hémorroïdes libres. Libres, les hémorroïdes. Liberté pour les hémorroïdes. Hémorroïdes libres. Ah, hémorroïdes libres. L'hémorroïde blanche, c'est... C'est les plus infectés. Ah oui, c'est l'hémorroïde pure, là, vraiment. Ouh, la pureté de l'hémorroïde, Là, ils nous volent notre travail. Et c'est de la blanche, là. Une montée d'hémorroïdes. L'hémorroïde blanche, là, franchement. Quand on arrive là... T'as pas de l'hémorroïde. C'est le must du must. T'as pas de l'hémorroïde, s'il te plaît. Hémorroïde blanche. Ouais, j'en ai. Comment vont mes hémorroïdes? Elles sont blanches. J'en veux de la bleue. Oh ouais, j'en ai plein. Bleue, s'il te plaît, mec. Ouais, j'ai de l'hémo bleu. Oui. Alors vous pensez, l'hémorroïde rouge. Là, c'est plus de l'hémorroïde, là, c'est carrément. Je sais pas, c'est la lumière suprasolaire à la vitesse suprasonique. C'est faux, là. Aïe, l'hémorroïde blanche. Aïe. Non. Aïe. Ouh, c'était chaud, hein. Ça fait mal, hein. You. J'arrive au port. Nous voilà arrivés. C'est l'enfer. Où est le cendrier? Sur terre. Oui, le cendrier sur terre, oui. L'enfer aussi. Oui. Alors là... Non, je fais pas ça. Vous êtes à la radio et vous avez bien de la chance, vous seriez à la télé. Je vais juste... Un cendrier. Merci. Le cendrier bleu, le rouge ou le blanc? Il est transparent. C'est le cendrier. Bleu. Oui, sur la table bleue, au micro bleu, il y a une convergence du bleu. Il n'est pas sans rappeler la couleur bleue. Ah ben si tu l'avais pas dit. Ah oui. Oui. Espoir. Oui. Bleu. Voilà, donc c'est une émission philosophique sur ce le soir. Bleu, sur le bleu, sur le bleu. Sur le bleu. Je ne t'entends point. Je ne t'entends point. Oh, c'est ouais, toi ouais. Tu viens me voir? Ouais, c'est moi. Tiens, salut, ça va? Ah oh, ouais, encore, s'il te plaît, parle-moi de toi. Ah oh, ben, tu sais, ce matin, je me suis levé. Ah, oh, c'est génial, c'est beau. Oh, tu c'est transpires, beau ce que tu dis. Tu transpires. C'est trop bien ce que tu dis, comme transpires. Tu le dis, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je transpire, Pierre. Et il vient s'asseoir pour faire ça. Transpire. Non, on est bien là. Ouais. Voilà, merci. On se comprend, merci. Ouais. Allô? Oui. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Allô? Oui. Allô? Oh. Il y a quelqu'un? Je vous entends, oui. Il y a quelqu'un? Oui, je vous entends. Allô? Oui, oui. Allô? Et vous êtes... Oh? Oui. Franciscain. Oh. Il y a quelqu'un? Oui, je vous entends, allô? Oui. Je vous entends très bien, allô? Oui. Non, absolument. Vous savez, depuis le temps... Oui, mais ça arrive. Oh. Ah, il faut bien. Il y a quelqu'un fois, allô je vous entends pas. Des fois, il n'y a personne. Et des fois, il y a quelqu'un. T'es pas là? T'es pas là? Et quand on sonne, est-ce qu'il y a quelqu'un? On ne sait pas. Des fois, on sonne, il n'y a personne. Allô? Des fois, on sonne, il y a quelqu'un. Mais... Allô? Il y a quelqu'un. Et c'est vous qui êtes là. Oui. Quand je reviens, il n'y avait personne. Il me cachait pour rire. Allô? Oui. Allô? T'es là? T'es pas là? Oh, t'es là? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, je suis là. Il y a quelqu'un? Ouais, j'ai caché dans les escaliers pour rire. Alors, quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Allô? Oui. Oh. Vous m'entendez? Oh, je allô? Vois que vous m'entendez. Je suis content. Il y a quelqu'un? Oui. Al? Mais on avait rendez-vous. Allô. Oui, on avait rendez-vous. Ah oui, allô. On avait rendez-vous. L'amour, ça oui. fait plaisir. Donc, c'était, l'amour, rendez-vous. Ça fait plaisir. Oui, je vous entends. Allô. So happy. Oui. Il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Allô. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Allô. Je ne sais pas. À vous. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ici, Cognac G. À vous les studios. Mais ouais. Allô. Les costumes sont de... Oui, dans le cadre des corps de Roger Hart. Oui. Je suis Pétoman, pardon. Ici allô, de... allô. Ah oui, ah, vous, monsieur Pétoman, nous vous entendons. Madame Pétoman, nous vous entendons. Oui, ah, oui, ben écoutez, c'est très bien, nous sommes enchantés, vraiment. Quel honneur. J'ai un problème. Allô. On est vraiment... Il y a quelqu'un? Étourdissant. On est vraiment... Allô, il me faut de l'aide. Oui. Qu'est-ce que vous avez pris? Ouais, j'ai pris mon pied. J'ai mangé un cassoulet. Ah, en prenant mon pied. Mais non. Non, cette famille. Ah, voilà. Oui. Donc, je suis bétomane. Oui, donc... C'est un problème, un vrai. Est-ce que vous me recevez? Oui, madame bétomane, est-ce que vous me recevez? Oui, nous sommes là devant donc, votre maison. Et bétomane. Nous allons sonner à la porte. Il y a quelqu'un. Vous auriez dring, madame bétomane. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Allô. Il y a quelqu'un? Oui. Alors, oui. Ça va? Non, mais ben oui, ça va. Ça s'entend alors, pas. Oui, ça va très bien. Oh là là. Ça va. Allez comme ça. Un moment peut-être. Allô. Il y a quelqu'un? On pourrait dire, je sais pas comment on fera, mais ça va. La radio, les... oui. Les amis, j'écoute, ça oui. marche pas alors. Non, si. Là, j'ai un bien. Problème physique oui. et mental. Ah, mais écoutez, vous n'êtes pas la seule. Hein. Nous aussi. Nous. Parlons de nous. Voilà, parlons de nous. Bon, ben tant pis. Au revoir, merci beaucoup. Non, mais si, bien, écoutez, bienvenue à nous. La voix de la raison est partie. Ah. Yeah. Voilà mon problème. De temps en temps, ça ne s'entend pas et parfois ça s'entend. Alors, je cherchais un petit peu de, comment dire, de bien-être à votre écoute. Oui, ben nous sommes ravis. Oui, nous accordons notre écoute pleine de bien-être et nous tendons nos oreilles et tendent des bras accueillants. Excusez-moi. Voilà, nous sommes bras tendus, toutes oreilles ouvertes. My God. Où as-tu mis my God? Oh, mais écoute, j'ai bien. Bon, je ne peux pas. Il faut que j'aille voir un psychologue, peut-être. Alors là, je vais vous dire. Alors là, vous prenez la première en bas de la rue à droite. Là, vous tournez. Mais Michelin. Le fleuriste avant la station service, et puis là, vous y êtes. Psychologue. Oui, parce un psychologue. Un psychologue. Balance la sauce. Ouais, on va donc en direct avec le pseudologue. La sauce, elle est trop bonne. Elle est trop bonne, man, ta sauce. Merci. Je me sens moins seul. Quand on a des gaz, c'est important. D'être seul. De s'en sortir pas seul. Ah, merci, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des amis. Ah, ben avec plaisir. Ah bon? Évangéliste, non? On pourrait peut-être faire un petit truc dimanche. Juste une petite. Ça avance toujours? Je suis dans mon cul. Ah non, ça me dit rien finalement. Ok. Bon, mais c'est pas grave. Je sens tu veux que je te ramène? Non, merci. Bon, d'accord. Je sens la bite de Jésus partout. Je sens la bite de Jésus partout. Ça me vexe pas. Je sens la bite de Jésus dans mon aisselle. C'est à cause de la taille de mon sexe. Ah, la bite de Jésus. Il est trop petit. Je comprends. C'est pour ça. Marie, moi aussi je te déteste. Les anges n'ont pas de sexe. Charogne. Il paraît. Non, je n'ai jamais vu. À mon avis, j'en avais. La question est posée. Il faut que ça se dise. C'était le mot de la fin. C'est un joli petit point. Ça finit jamais. C'est l'enfer. C'était pas trop petit point. Et il faut finir à 23h23 aujourd'hui parce qu'on est le 6-6 comme Satan. Satan l'habite. Il n'y a plus d'heure. Non, on n'est pas le 6-6. Si on est le 6-6 2014. Il n'y a plus d'heure. Satan l'habite. Il n'y a plus d'heure. 6 x 2. Plus d'heure. X 3. X 1. X 4. Plus 1. 3. 4. La pudeur est de rigueur. 2066, la fin du monde. Je ne suis pas sûr. Non, 2666. Il n'y a plus d'heure en tout cas. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après c'est l'heure, maintenant l'enfer. C'est plus d'heure. C'est dit. Voilà. Ils disent la fin du monde n'importe quand. Je viens de le dire une fois à moi. L'enfer, c'est maintenant. Ok. Alors t'arrêtes maintenant. T'arrêtes. C'est l'enfer. Il faut qu'on en profite. Comme ça, ça marmonne de loin. Ça fait une petite musique. Ouais, mais non. Je marmonne. Non. fait, nous avons un sage philosophe agrégé de la Sorbonne qui est un peu timide. C'est sa petite, voilà, son tout petit défaut, parce qu'il est très intéressant. Mais il a très peur, donc depuis tout à l'heure, il se met à l'écart, tout en gesticulant et en argumentant. Je fais une émission dans cette radio. Donc voilà, je lui donne la parole et nous t'aimons. Nous t'aimons tous, nous t'aimons. Allez, vas-y, lâche-toi. Pourquoi il n'y a plus rien là ? Pourquoi ça s'est arrêté comme ça ? C'est à cause de... Oh, pardon. C'est à cause du philosophe ? Tuons le philosophe ! Vite ! On a des pics. France libre. On a des pics. La liberté. À mort. À mort le philosophe. On oui, savait bien, de toute façon, fallait pas l'inviter. Il faut tuer les philosophes. Non, les philosophes, faut pas les écouter. Non. Non. Dis, j'aime Canal Sud, avant qu'on te fasse du mal. J'en ai marre, cassez-vous. Auto-sio-to-sio-toi. Ça va pas très bien se passer. Ouh, les petits canailloux. Il prend des risques. Fumer. Non, je vais pas fumer. Je fume pas la vie. Moi, je fume pas du tout, mais vous êtes fous. Film drogue. On ne fume pas dans les studios de Canal non, Sud. Yes. Voyons. Enfin, non, dehors, yes, j'ai fait une pause clope là. Ah, voilà, ça. En direct avec la pause cigarette. Donc, nous sommes à l'extérieur. Ce que vous entendez sont les bruits acoustiques du chantier d'à côté. Oui, oui, oui, ouais, je suis bien ouais, dehors. Donc, voilà, ouais, absolument, nous ne absolument. Pas, vous. Non, non, non, non, non. Sûrement non, pas de drogue. Absolument pas. Non, non, non. Ça, nous mais confirmons. Excusez-moi, je venais dehors, je suis en train de pas fumer ma fumée. Moi, à votre tour. De l'eucalyptus. À votre tour pour la pause. Je suis revenu là, vous m'avez entendu? Je suis revenu, vous pouvez aller fumer votre club si vous voulez maintenant, mademoiselle. Ah, on madame. Peut retourner à l'antenne. Monsieur, c'est pareil pour vous. Mmh. Donc il faut qu'il ramène sa grosse machine. Voilà, bon, ben d'accord, ok, nous allons rentrer chez nous. C'était wow. Lourd ta grosse machine de dehors à dedans. Mmh. Pour qu'on s'entende bien dehors quand on faisait la pause cigarette. Mmh. Maintenant qu'on est dedans, on est. On ah oui, on est dedans. Oui, oui, ah oui, oui, oui, oui, oui. Parce que oui. La machine, elle est lourde. Ah oui, oui, oui, ah oui. Oui. Là, on est dedans, on est bien. Voilà. On est bien, et il fait bon. Alors, on est content. Ouais, on est content. Là, au moins, on peut en profiter. Non, on est tranquillement, on est assis. Et on est dans les studios. On et dans les on est en train de sélectionner pour vous les sons de demain et de cette nuit. On sélectionne les sons là. Donc ce que vous entendez actuellement, ce sont des sons qui sont des concrétisations de sons possibles, des sons carrément, potentiels. Carrément. Tous les sons sont possibles et ce que vous entendez là, c'est un son parmi les sons, celui que vous entendez parmi ce que vous n'entendez pas. Mais nous vous faisons entendre d'abord ce que vous entendez parce que vous êtes à la radio. Merci, merci, merci. Donc en direct avec les sons. Car les sons. Les sons sont bons. Les sons sont bons. Les sons sont bons. Les sons sont bons. Les sons sont bons comme le fion. Ça y est, il est 22h20 sur Canal Sud 22. 22h22, ça veut dire quelque chose. À mon avis, ça veut dire que c'est bientôt la fin de la vie oui. Sur Terre. En tout cas, c'est bientôt. C'est bientôt 22h25. Ça ne va pas tarder. Il va bientôt être 22h25 sur Canal Sud. Il va bientôt être 22h25. Attention, bientôt il va être 22h25. Oui, oui, il va être 22h25 dans quelques minutes en direct sur Canal Sud. Il va être 22h25. Vous allez vivre en direct 22h25 sur Canal Sud dans quelques minutes. Ouais. Attention, ça approche. Ouais, encore 2-3 minutes, c'est bon. Les secondes passent. 22h25 approche. Vous êtes là, vous êtes assis, vous écoutez Canal Sud, c'est Nuisance, le vendredi à partir de 21h. Il va être 22h25 bientôt. Vous êtes assis et vous attendez, 22h25 arrive. Oh putain, qu'est-ce que vous nous sortir à 22h25 ? On va le découvrir bientôt, yeah. 22h25 sur Canal Sud, la seule émission à proposer en direct, 22h25. Nuisance. À 22h25, c'est Nuisance. Nuisance est la seule émission qui propose 22h25 à 22h25. Yeah. Yeah. C'est la fin. Yeah. Fin de 22h24. Oui, vous allez bientôt savoir ce qui va se passer à 22h25. Soyez réceptifs à ce moment que vous allez vivre. Il va être 22h25. Que va-t-il se passer à 22h25? Vous allez le savoir dans quelques secondes. Vous allez vivre en direct, vous-même, 22h25, là où vous êtes. Yeah! C'est clair. Sur Nuisance, nous vous offrons vous-même en direct la et en merde. Live. C'est la merde. Deux ans 25, vous ne les avez jamais vécu auparavant. C'est le 6-6, l'année de Satan, dans la bite de Satan la belle, et je bande Satan. Oh Satan, regarde-moi, je bande pour toi. Je t'aime Satan. Un peu de sang, s'il te plaît. Ouais. Satan est là, Satan arrive, il est 22h25, merci à tout le monde, c'était la fin. Satan la bite. Bon, j'ai soif. Eh, hey, Satan, ça va là ou quoi? Je t'attends là. J'ai soif, un petit demi-soir. Maintenant, sur Canal Sud, il est 22h25. Qu'êtes-vous en train de vivre? 22h25, c'est maintenant. Oui, maintenant, 22h25. Nous vous offrons vous-même, en direct. 22h25, je paye pas ma cotise. 22h25. Ouais! À 22h25, je paye pas ça. Silence. Ouais! Yeah. 22h25, comme si vous y étiez à 22h25, justement. C'est bien pire que la famille Adams. Yeah. Réunis! Attention, là, ça va saigner. Yeah! Voilà, c'est fini, 22h25. Bon, c'était bien. C'était pas mal, c'était ma foi, c'était quelque chose. Avec DJ So. 22h25. DJ So. DJ So What. DJ So. DJ So What. Freddy, quoi, pour vous, quoi. Freddy Odeur. DJ Pat. C'est moi. Patrack. Parce que DJ So, il est. Sans. Je m'appelle DJ Sans. Et toi, t'es quoi? C'est Féminella ? Sanguinaire. Ouais, Sanguinella. Ouais. Yeah. Sanguinella. Non, sanguinaire. Sanguinera. C'est un adjectif comme un autre. Bon, mais pour sanguinaire. Sanguinera, c'est pas mal. Sanguinella. Tu vois, c'est quoi ? Et Crostart, No Disco Noise Mixer. C'est quoi, ça ? Ton adjectif, c'est quoi ? On te demande. Le monsieur te demande. Non, non, jamais je ne ferai ça. Pour moi. C'est que les gens qui rigolent qui ont le droit de répondre. Tête de con. Tête de con, ouais, c'est pas mal ça. Et toi, c'est quoi? Bah, France. C'est Heil. Heil. Moi, c'est fond du cul, moi. J'ai fond du cul. Hein. Salut. On a appelé DJ Samsung. Fond du cul. Bien. Ah, t'es et un violent. Et le notre indien là, qu'on a reçu spécialement ce soir, un ancien Apache qui vient témoigner. Un authentique ancien Apache. De sa condition. Américaine. Iroquoise blues. Yeah. Donc finalement, Il ne parle pas français. Il nous fait un peintre. Il a plutôt bien intégré la culture country. Américain. Donc nous allons entendre un petit morceau tout de suite. De la soul. La soul. La soul. Écoutons la soupe soulesque ce soir. Oh baby, yeah, I love you, baby. Oh baby, yeah, yeah, baby, I love you, love you, love you. Oh baby, love you, baby, love you, I. Y'a pas quelqu'un qui connaît la chanson par hasard? Si. Kick my ass. Alors c'était DJ House. Non, DJ House, non c'est pas lui. DJ House. Kick my ass. Oh yeah baby, I love you so much. Kick my ass, baby. Kick my ass. He is very interesting artist, baby. But he is him is the ass. Yeah, all yeah. The time. All the time. All the songs. Oh yeah, tout le temps, du cul. Ouais. About no ass. Oh, cul. Mon cul. The asshole, no? My is asshole. His asshole, yeah. My asshole. He likes to speak about his asshole. My asshole. Oh my ass. Oh yeah. My asshole. Yeah, very interesting artist. Yeah. Very interesting. Yeah. Very interesting. Yeah, it's very interesting how very I can talk well about my asshole all the time, you know? People like that. I don't care what people like. Yeah, you know, I like people. I like my asshole too, you know, and my asshole's like so beautiful. Oh, and maybe, everything. Yeah. It's maybe like shit, you know? People, shit's cool, maybe you know? People like your house. Nah, it's I don't possible. Think so. Maybe they like my asshole, but maybe they like to be cool. And my asshole is cool, so yeah. They like my cool boss. Asshole. Yeah, that's boss. Oh, yeah, yeah. Yeah. Thank you very much. We applaud. Yeah. Thank yeah, you very baby. Much. Thank I'm you the very king. Much. Oh. Thank you very much. Bon, il ne reste plus qu'une demi-heure à attendre avant la fin de l'émission. Donc we need ça a va. Picture of your ass. Sorry, it's for American people. We need to bring I wouldn't it dare. J'oserais pas. Prendre une photo de mon cul. Je suis désespéré. Quoi. Ok, so we say thank you et bye bye. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Bah non. C'est pas pour ça qu'il faut me virer. Hein. Moi, je m'appelle pas J.P. Lehman. D'abord, je suis gentil moi. Je suis pas un gros camé moi. Toxico à la cam et fondu du plomb, tu sais. Qui nique son élément avec la fourberie et l'anus, plein d'anus partout. Des anis même. Les anus. Dorés, on les prend anus. Dans le pied et on se les met dans le cul. Ouais! Les ah ouais, anus. On peut regarder les anus les dorés. Anus. Les anus. Ah ouais, si tu veux, gamin. Allez, vas-y, regarde les anus dorés, c'est ce soir. C'est maintenant. Les anus dorés. On se les prend dans le cul et on se les met dans le pied. Les anus dorés. On se les prend dans le cul et on se les met sur le pied. Les anus dorés. On se les prend dans le cul. On se les met dans le pied. C'est ça. Les anus dorés. Les nouveaux anus, près de chez vous. Une seule adresse, les anus dorés. Les anus. puces dorées. Point se com les prendre dans le cul. Oui. Et oui, ou bien oui, dans le pied. Ouais. Ou alors on se prend le pied dans la nuit. On se prend le pied dans la nuit. On se prend dans le cul. Ouais, on se ou prend ou bien dans le pied. Yeah. Ou alors on prend son pied. Oui, ouais, c'est pas trop dans le rythme oui, tout c'est, ça. Oui, et on prend la, son pied. La question est posée. On se déprend oui, dans mais toi, t'arrêtes de parler fort avec son pied. Non, c'est une émission sérieuse. C'est une émission sérieuse. Donc, on pose la question, mais sérieusement, donc, sur ce que sont les anus dorés. On se les prend donc, dans le cul et voilà. On se les met dans le pied. Voilà, ou donc peut-être bien dans le pied. Voilà, donc nous avons divers témoignages, n'est-ce pas, qui concordent. Il y a plusieurs versions. Voilà, oui, en même temps. C'est un fait, il y a diverses traces. C'est comme de, ça. Ouais, hein, si vous voulez les avoir, vous... Il y a diverses traditions. Vous allez sur le site de Canal Sud voilà, et vous tapez Anus ouais. Doré. Anus Sud. Épique. C'est pour vous ce soir. Nuisance, spéciale dédicace à tous mes potes et mes potes. Et bah franchement, c'est que de la merde. Que de la merde. À disposition. Ouh. Ouais, je suis défoncé, ouais, c'est trop cool. Ouais, t'as trop raison, c'est beau la vie, hein, ouais. Ouais, c'est trop cool. Il y a une façon de faire sans dire il y a, mais je ne la connais pas. Aurais-tu la réponse? Non, je ne sais pas dire il y a sans dire il y a. Mais comment fais-tu alors? Je ne dis pas il y a, imbécile. Je n'y ai pas, il y a... Je n'y ai pas, il y a... Je n'y ai pas, il y a... Oh, oh. Vas-y sanguinaire, lâche-nous un P. P. Sanguignol. Un R. Vas-y R. Sanguignol. Lâche-nous un prout. Un O. O. Sanguignol. Un U. U. Un T. Mais T. J'ai T. plusieurs guignols, moi. Un prout. Une centaine. Prout. Une centaine de guignols. Et... Ah. Bon, il est pas mal grand ton pote. Hein. À partir de 21h. Jusqu'à pas d'heure. Et pour les after, welcome in the after of the after. This is an after. This is an after. Oui. Oui. Ça. Léo. Non, mais pour moi. Ouais, non. J'en ai plus. Ah, d'accord. Pleure pas. Oh, oh. Dans les feuilles d'automne, emportées par le vent, non, en ronde monotone, non. Tombant tourbillonnant. Eh ben, j'ai de la peine, parce qu'un ami m'a refusé une petite cigarette. Vous la dernière cigarette. La dernière cigarette. C'était avant de crever. La dernière cigarette. À moi qui lui avait donné mes gambettes. qu'il m'a refusé une cigarette. À moi qui lui avais donné une gambette. Et j'ai pleuré. Oh là, c'est incroyable. Je reviens, j'ai pleuré. Vous écoutez Nuisance Canal Sud. Motherfucker. Pardon. Le cri du cœur. Motherfucker. C'est le cri du cœur. Motherfucker. Cannibal. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Cannibal and incredible. Motherfucker. C'est évident, c'est limpide. Limpide. Motherfucker. J'ai rien compris, mais c'est bien. Ah, j'ai compris alors. Moi, ça me désole. On aurait pu attendre 5 minutes. It was mine. Je suis venu à la maison en fait, tu sais. Okay, so motherfucker, we love you, you know? There's something like if we didn't, we have killed you before. Yeah, kill me, please. Yeah, please, we were in the same thing, you know? Please, baby, kill Yeah, that's why we like you in life now. No. Yes. More life. Give me more life. This is give me more life. This I want is more the life. Truth of your life. Give me plenty of life, baby. I don't can know if we life. Can have more life, no, it's untruth. Look but at me. Yes. What? Impossible to have more life. The life is a present. Qu'est-ce que nous étions avant yeah, d'être. Je veux dire que avant que notre corps soit formé, il y avait un spermatozoïde et un ovule. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on est? Enfin, je veux dire, à partir de quand on commence à être? À partir de quand? It's normal, I'm here. C'est vrai, non? Qui le sait? Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, parce que finalement, parce que... on sait quoi? On est juste un gros tas de merde, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire, merde? C'est pas ça, non, c'est pas ça. La merde, si, c'est vrai. Ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est pas ça. Mais c'est oui, c'est ça, c'est la merde. Il y a un spermatozoïde et un ovule. Ouais, un spermatozoïde, merde, et un ovule, merde. Ça donne quoi? Ça donne un truc incroyable, incroyablement vrai, tu vois. Mais ouais. Ça tue tout, quoi. Y'a plus d'humour, là. Non. Ça casse tout. T'as pas le sens de l'humour dans la vie. Al, il adore se faire mousser. Oui. C'est le contraire de ce qu'il attend. Ah oui. C'est si bon. Non, tu connais l'histoire, il s'indique qu'il est du masochiste. Du coup, tu peux même fais-moi pas mal dire. Non. Oh, sorry, c'est trop bon. Route. Mourir, c'est l'éternel. Mal. Non. Tomorrow I have an appointment. I have to wake up and I'm not awake. It is something. Bon, non, parle-moi en anglais. S'il te plaît, bébé. Okay. Oh, yeah. It is something that. Ouais, bébé. Lots of people, lots of people are talking about. It's about the hour we wake up. Oh yeah. The hour we wake up, and sometimes we say, "Fuck, it's 3 p.m. and I wanted to do lots of things today, and I haven't done anything." No way, there's nothing you can do. Because I was with friends. Because I was with friends the day before, the night before, and so. Motherfucker, the end. T'apparais là dans my le friend, salon. The end. T'es assis sur ton canapé, y a motherfucker qui t'apparaît comme ça. Ah, c'est une révélation. Tu la vois tout d'un coup. Ouais, elle se matérialise comme ça. T'es chez toi, t'es sur ton canapé. Et d'un seul coup, paf, elle apparaît comme ça. Comme la Sainte Vierge. Sauf que c'est pas la Sainte Vierge. C'est motherfucker. Et elle t'apparaît là, devant toi. Tu es assis sur le canapé et paf, elle est là, devant toi. Elle apparaît. C'est la dimension X. Elle se matérialise. Paf. Oh, tu fais quoi? Mais c'est elle qui décide. Taf, taf, taf. She's motherfucker. Et toi? It was her. It was her. The motherfucker. Ouais. It was her. Yeah. Elle te projette dans les étoiles. Yeah, this fucking was the motherfucker. Ah, il y a un troupeau de spermatozoïdes. The motherfucker had spermatozoïdes. Yeah, it's a truth. She eats, elle mange les spermatozoïdes. En fait, elle mange les spermatozoïdes. It is very frightening for us. C'est un cas de symbiose antagoniste. C'est un cas de symbiose antagoniste. C'est comme les fièvres froides. C'est les pires. And she has a spermatozoid. Ouais. Oh my God. What have you said? What have I done? Oh shit. It's no science fiction. No. Qu'ai-je dit? Oh non, pas spermatozoïde. Non, pas spermatozoïde. Oh, he was eaten. He has been eaten by the motherfucker. Ouais. With the motherfucker that with spermatozoïde. He's dead. Spermatozoïde bleu. Spermatozoïde bleu. tu m'aimes vraiment. Ah ouais, ils sont nés dans un nid. Moi que tu aimes. Hémorroïdes bleus. Ah, je t'aime pas pourtant. Alors pourquoi tu veux pas? Je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Casser. Vas-y, casse-toi. Casse-toi, sale con. Ah, j'aimerais pas être à ta place. J'ai des spermatozoïdes par une femme qui est motherfucker. Comment j'ai fait pour dire ça? Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que ce soit honnête. Merde. Oh putain. Merde. Ah, ça alors. Qu'est-ce que j'ai dit? J'en sais rien. Il faut se taire à présent. Oh putain. Mais non, c'est pas possible, je vais me taire. Je vais parler pour ne rien dire. Bah ouais. Ça y est. Oui, mon cendrier. Putain. Je te contrôle. Oh, je l'avais jamais vu comme ça. Je te tue. En réalité, elle est là. Le but est le bien-être. Madafaka. C'est pas autre chose, hein. C'est que chacun sente bien. Dans mon salon, devant moi. Ah, je suis ébahi. Je sais pas quoi dire. Bienvenue en enfer. Vous êtes sur le vol 471B24-12CWXZ421-72, alinéa B24-12C457-GB, en direction de Toulouse et en provenance de Toulouse, France. Vous êtes dans Nuisance. En Nuisance. En Nuisance. En Nuisance. Vous êtes en Nuisance. En Nuisance. Nuisance. Nuance. Nuance. Anal Sud. Nuance. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Canal Sud. Une radio libre. S'il en était une en France, une. Ou deux. Ou trois. Ou 25. C'est fini. Vous entendez? La radio libre en France, c'est fini. Parce que. Vive la France libre! Ah, vive la France libre! Et l'Europe libre! Nous voulons la liberté pour l'Europe! Nous voulons la liberté pour l'Europe! Et la France! France libre! Ah! Liberté. Très bien. Alors là, bravo. On a fait un applaudi. Bat le prouteur. Moi, j'en ai fait plusieurs depuis le début de l'émission. On est pas, je suis pas la seule, je crois. Oui. Mais je pense Allô que je peux lui donner le petit totem du prouteur. Les words. The World Company. Je suis ému. Les words du pi. Oh, alors là, vraiment, aucune dédicace. Je ne sais que dire. Nous sommes sur Canal Sud, quel honte. Je ne sais que dire. Pète, alors. Ah, mais dans cette là, vraiment. Oh oui, alors là, vraiment. Et pourtant. Ah non. Là, franchement, je dois dire que. Ça n'arrête jamais. Merci. Non, mais je t'en prie, Exactement. Un bang. Mais comparé au prouteur, nous avons donc, voilà. Peut-être un bang, il faudrait-il. Voilà, un petit bang. Et maintenant un boong. Bientôt un boong. Vous allez entendre un boong bientôt, dans quelques secondes. Ah. Soyez patient, un petit boong. Un petit boong. Un petit boong. Écoutez le petit boong. Enfin, un gros boong même. Ou un petit, ça dépend. Ou un grand bang. Un petit boong peut-être. Ou un gros boong. Un boong en tout cas il sera. Un grand boong. Un grand boong. Il y aura un boong. Un boong. Vous avez entendu le boong. Et maintenant un gros bang encore. Quelques secondes, encore un peu de patience. Voilà, un bang. Non, c'était le boong. Pardon, le bang, le boong. C'est beau, c'est la beauté. Il y a eu le numéro d'or, le chiffre d'or, le chiffre d'or et d'argent, d'ores et déjà bien connu de nous tous. Le mystère, celui du mystère, oui, le 1, c'est quelque chose. Celui-là, oui, c'est celui-là. Il nous le faut, il faut que nous le saisissions. Un boong, un bang, vite, vous me suivez. Bientôt un brunch. Bon. Blanche. Tchaon. Merde. Quand le blanc apparu. Voleur. Dans le verre. Voleur d'Annie. Quand le blanc apparu dans le verre. Sa fille, du verre clair. Tu me déçois beaucoup. Et pourtant, le verre clair était frère, transparent. Tu ne verras plus la lumière. Quand le blanc apparu dans le verre. Tu seras aveugle. Oh, à partir de demain, tu te lèveras dans le noir. Ouais. Et tu feras. Dans un verre. Tu verras. Sortiras un verre de terre et tu boiras un blanc dans le verre. Yeah. Yeah, baby. Gloria, parle-moi du verre. Ouais. C'est beau, le jeune comme pipi. Le verre comme tu boiras le verre de vin. Le verre comme la verdure. Et qu'il faudra faire attention à demain. Demain, avant la verdure, il n'y aura rien. Avec le verre que ton ami te croyait, tiens. Mais que crois-tu? Que crois-tu, Manon? Tu ne seras jamais rien qu'un chérubin. Tu es trop parfait. Tu n'as pas ta place en ce moment. Imparfait. Tu es trop parfait. Casse-toi, le parfait. Tu n'as pas ta place en ce monde. Ici, c'est le royaume de l'enfer. Casse-toi, parfait. Tu es trop beau pour la parfait. Casse-toi. La perfection, on n'en veut pas ici. Casse-toi, crève. Perfection, perfection de merde. Crève. Jamais plus. Jamais plus tu ne sauras. Tu ne sauras l'absurde. Absconce. Territoire. Il nous reste 5 minutes avant de pouvoir finir enfin la vie. Sur Terre, grâce à moi, vous pouvez m'envoyer. L'enfer. Suicide collectif pour nous tous ce soir, je sais. C'est une dédicace à moi-même. Ah, oh, je sais. Sur Terre. Merci. L'enfer. Canal Sud. Le vendredi. Bon, c'est triste. Hein. Bye bye. Bye bye, ciao. On est en train de boire du poison. Allez, ciao. C'est fini. C'est excellent. Allez, salut. C'est bon. On a pris le sérum. La vie continue. On va tous mourir. Ouais. Lâche. Et ensemble. Ouais, voilà. Vous êtes de la merde, vous êtes de la merde. De la grosse merde. Ah, vous crèverez jamais, vous êtes trop parfait. Voilà. C'est une parole optimiste. C'est ça la beauté du monde. C'est tout à fait. Mais il a raison de rire, hein. C'était plutôt rigolo. Non, c'était bien dit en plus. Mince, t'as tout gâché. Bon, bah c'est pas grave, on a qu'à recommencer. C'est moi, Al le gourou, suivez-moi en enfer. La terre, c'est mort, ils sont trop beaux là-bas. Nous, on est moches, on est laid, on est inacceptés par le monde. Fuck le monde. Fuck le monde. Suivez-moi en enfer. Nous allons tous mourir ce soir à 23h00 le 6/6/2014. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Ah, je te crois trop, c'est trop l'enfer, t'as trop raison, Al. Ah ouais, c'est vrai, il faut vraiment te croire. Croyez pas. Ne le croyez pas. Ça parle pas de toi. Ne le croyez pas. Ah non, surtout pour vous. Ne le croyez pas. Non. Ne le croyez pas. Bon. Pourquoi vous parlez? Ah, vous barrez en fait. Bon bah cassez-vous alors. Mais non mais attends, alors l'autre il fait croire que c'est nous qui voulons partir. Ouais mais si vous êtes nuls, allez, alors cassez-vous. Que lui il enlève son casque sans arrêt en disant genre on le fait chier quoi. Enfin excuse-moi, ouais, moi c'est ce que je ressens. Ah ouais vraiment. Bah ouais. Et après quand on dit qu'on va y aller, mais enfin tu fais exprès pour qu'on se barre. Et dès qu'on veut revenir, t'es là, mais pourquoi vous partez? Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Yeah. Jessica. Ciao. J'ai pas vu. Chef afghan. Nous ne sommes qu'à dépendants de l'Afghanistan. Mon pote est afghan. Nous ne sommes pas dépendants. Alors, il y a quoi là, hein? Oh, fais-moi les marioles. Bon, si. N'empêche que nous ne sommes pas dépendants de ce chef possible, afghan. C'est pas possible. C'est pas de l'art. C'est pas de l'art. On arrête tout. Nous arrêtons pas loin. Nous pouvons nous défaire de ce chef afghan. De ce chef afghan. Difficile, j'essaie de négocier là. Voilà, faut négocier parce qu'avec les chefs à camp, c'est comme ça. Oui. On va rentrer chez nous. Oui, on va négocier. Chez nous. Oh, oh, je sais pas, il y a une chanson comme ça. Oh, baby, back home. Voilà, back home. Baby, back home. Ça craint, c'est trop de la merde, arrêtez. C'est vraiment une émission de merde. Oh, oui. Parce que le chef afghan l'a dit. C'est la charia, ça. Il faut lutter contre la charia. En France, en plus. Hein, C'est vraiment une émission de merde. Oh merde, je me suis chié dessus, mec. En plus, ils ont besoin de l'infirmière. Merde. Non, c'est un peu dégueulasse. Oui, hein. Oui, oui. Un avenir plein d'emplois, n'est-ce pas? Mais oui, mais moi je n'ai pas d'infirmière à disposition, hein. Je suis la seule femme à l'interview. Il va falloir recruter les infirmières. Et la femme féministe et vos problèmes de transit, ça dépend. Non, c'est vrai, il faudrait arrêter de péter. On a déjà décerné un award. Recruter les infirmières intestinales. Je crois que c'est contagieux, en plus, il ne faut vraiment pas y aller. Parce qu'on pète tout le temps, une fois qu'on est là. Eh oui, moi-même, j'avoue. L'enfer sur terre. Thank you. Nuisance, c'est fini. Nuisance, c'est la fin de Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, est finie ce soir. Enfin, c'est pas trop tôt, il n'y a plus de nuisance, c'est que de la musique à partir de maintenant, de la vraie et vraie grande et belle musique. Attendez, excusez-moi, je suis en train de parler. De la vraie grande et belle musique, pas de la merde comme Nuisance. Non, j'ai encore un truc à dire, excusez-moi. Je voudrais vraiment dire que Nuisance, c'est une merde, c'est de la merde cette émission. Il faut vraiment le tuer, le mec qui fait ça. Il mérite de mourir. Franchement, il le mérite. Docteur, je vais mal dans ma question. Que je retrouve la raison, oh oui, la raison. Que je retrouve la raison. Que je retrouve la raison. Que je retrouve la raison.